Au début des années 70, quand on a commencé à changer la méthode d'exploitation forestière, mais si on avait tenu un débat sur l'impact des multifonctionnels puis tout ça, ben peut-être qu'on aurait été un peu plus prudent dans l'exploitation de notre ressource. Mais une forêt, ça peut repousser. Une fois qu'on a enlevé le minerai, là, ça repoussera pas.